Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gemozo 107 FM pour cette nouvelle édition de l'heure des loups. Ah oui, je crois voir que... T'as un retour Pierre-Olivier ? Non. Ah malheureusement, bon c'est pas grave, enlève le casque, on va faire sans, voilà c'est les aléas du direct. Et vous avez entendu, oui, Pierre-Olivier Poyard est là pour cette émission, je vous explique dans quelques instants. Mais avant toute chose, excusez-nous pour notre retard, c'est vrai on commence, il est 18h04, ça arrive les petits couacs techniques juste avant l'émission. Et comme je l'ai annoncé sur la page Facebook et aussi dans l'émission d'hier soir, il était prévu de recevoir l'atelier d'écriture du lycée agricole de Mirecourt, lycée qu'on a reçu il y a... plusieurs mois, je sais même plus de quand ça remonte. Mais bon, les élèves malheureusement ont dû rester à l'école et on a Pierre-Olivier qui est avec nous ce soir. Bonsoir Pierre-Olivier. Bonsoir, oui. Bonsoir aussi aux Vosges et à l'Alsace qui nous écoutent. Salut, je suis très contente que tu sois à l'antenne, ça fait plaisir à savoir. Alors oui, comme j'avais dit, hein, on était censé recevoir l'atelier d'écriture, les enfants hein, du lycée où tu travailles, si je ne me trompe pas, Pierre-Olivier. Et voilà, bon ben, les choses ont fait que, les enfants ne sont malheureusement... les choses ont fait qu'ils ne sont pas là, et oui. C'est en dehors de ma volonté. Et je vais les remplacer modestement. Je vais essayer d'être à la hauteur. Je ne sais pas s'ils m'écoutent, mais j'espère que ça ira. Bah, dans tous les cas, s'ils nous écoutent, on vous fait un gros bisou. N'hésitez pas, si vous voulez, à tout moment, appeler au 03 29 62 40 40 parce que vous n'avez peut-être pas pu vous déplacer, mais vous pouvez téléphoner et passer en direct à l'antenne. Eh bien oui, on va faire comme on peut. C'est vrai que tu ne pourras pas répondre aux questions que j'ai prévu de leur préparer, mais tu me connais un petit peu. Je suis la pro des émissions en impro. Alors bon, on espère que cette émission se passera bien. On espère que ça se fera bien. Voilà, mais d'ailleurs, je me demande, la dernière fois, je t'ai pas trop laissé la parole, si ? La dernière fois... Avec les enfants. Avec les jeunes ? Oui. Non, c'est vrai. Alors bon, on peut quand même en profiter pour te demander, toi, Pierre-Olivier, ça fait combien de temps que tu gères l'atelier d'écriture ? Alors, c'est un atelier d'écriture qu'on fait depuis... avec ses hauts et ses bas, c'est pas toujours facile... d'animer un atelier d'écriture dans un établissement scolaire. On a souvent des obstacles divers et variés, administratifs notamment, où parfois ça étonne un peu les collègues dans l'établissement, mais en tout cas, on tient le cap et on avance. On fait ça depuis 7 ans, c'est la 7e année, avec parfois des interruptions ou... parfois des années où il y a plus d'ateliers, plus de projets. Toujours des projets d'écriture. Et la 7e année. Donc on a commencé il y a 7 ans déjà avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Philippe Vallet. Oui, de l'atelier La Langue de Travers. On lui passe le bonjour s'il nous ouais, écoute. Ouais, j'espère qu'il écoute. Bonjour Philippe. Donc Philippe Il y a 7 ans, on a travaillé ensemble. Elle est venue travailler à d'autres reprises. Je crois qu'il y avait même eu un concours de nouvelles qui était passé justement à la radio ici. Ah, le concours Galère, non ? Ouais, c'est oui, ça. Oui, ça me dit quelque chose. Et avec Philippe, on a fait toutes sortes d'ateliers divers et variés et on continue à écrire. On fait de la poésie. On fait de la poésie et c'est de l'écriture en toute liberté. Les jeunes écrivent ce qu'ils veulent, ce qu'ils ressentent. Bien sûr, on peut pas tout lire parce que comme ils écrivent tout ce qu'ils ressentent, parfois c'est un peu personnel ou c'est pas forcément audible par différents publics. Mais ils écrivent ce qu'ils veulent, ce qu'ils ressentent, ce dont ils ont envie. Et puis cette année, il y aura un recueil qui est prévu à la fin de l'année, qui est financé. Ah, c'est pas super ça. Ouais, c'était pas de cas l'année dernière. Dans ce recueil, il y aura toutes sortes de textes. Il y aura les textes qu'on avait écrits avec le rappeur qui est venu il y a 2 ans, du Val MC. Ah, il y aura... d'accord. Ouais. Mais je savais pas qu'il s'était déplacé il y a 2 ans au lycée de Mirecourt. Ouais, ça fait déjà 2 ans, ouais. Ah, c'est une bonne chose. D'ailleurs, tu sais quoi, je vais voir si je peux, si durant l'émission, on pourra peut-être passer un de ces morceaux, mais vas-y, je te laisse continuer. Oui, bien sûr, oui. Oui, avec plaisir. Duval MC, on avait écrit des textes avec lui quand il était venu faire ses 2 semaines de travaux artistiques au lycée agricole. Ce qu'on écrit en atelier, donc ça se passe tous les jeudis soirs. Maintenant, il y a un atelier radio avant l'atelier d'écriture. Donc la radio, c'est aussi de l'écriture, hein. Parce qu'il faut écrire ce qu'on va dire. En fonction, forcément, du volume de l'émission. Si c'est une chronique, il faut que ce soit beaucoup plus travaillé qu'une émission d'une heure ou 2 heures. Il y a des émissions qui durent jusqu'à 3 heures, je pense, les matinales. Après, les matinales, c'est plus du bulletin d'information, alors il y a un prompteur presque tout fait. Ouais. Donc, il y a un atelier radio. Donc, les jeunes font leur petite émission de radio qu'ils passent sur la web radio du lycée, l'Hecta Radio. Qu'on peut écouter sur internet. Ah, super, hein. Ouais. Et après, donc, c'est l'atelier d'écriture. Donc l'atelier d'écriture, on lit des poèmes de différents auteurs, différentes époques. Plutôt de la poésie libre que de la poésie rimée quand même. Et donc plutôt de la poésie contemporaine. Et à partir de ces lectures, on va à la pêche aux mots. Et suivant les mots qu'on attrape, on peut écrire des textes. Donc il y a plus ou moins un thème à l'atelier d'écriture, c'est agri-écriture. C'est toujours le même que l'année dernière, d'ailleurs on en avait déjà parlé l'année dernière. Oui, je me souviens. Et donc on essaie de rester dans ce thème-là. On a un livre qui nous sert de support à des lectures aussi. On ne lit pas que des poèmes, que des textes de poètes. On a un livre qui nous parle d'agro, comment ça s'appelle, d'agroécologie, d'agriculture, d'agronomie, d'agriculture, de différentes sciences agricoles. Ce livre, il s'appelle Les sols agricoles. Et donc on lit aussi des passages de ce livre, et puis ça nous permet d'avoir des mots sur la terre, sur la nature, sur l'exploitation du sol, et ça nous permet de croiser différents champs lexicaux, et après d'avoir des images poétiques très intéressantes. Ah bah ça en fait tout un programme. D'ailleurs, la fréquentation au sein de ton atelier d'écriture. Bon, après, c'est un atelier d'écriture au sein d'un lycée, alors j'imagine qu'il n'est pas question de moyenne d'âge. Mais voilà, c'est pas parce que c'est un atelier d'écriture que c'est pas un club qui n'est pas fréquenté pour autant. Ah ben, depuis 2 ans, depuis l'atelier de l'année dernière, parfois on est obligé de refuser du monde, hein. Oui. Tellement il y a de jeunes qui viennent, il y en a une dizaine, c'est pas souvent les mêmes, mais voilà, ils sont tous extraordinaires de toute façon, je tenais à le dire aussi. Oui, c'est important de le préciser. Et dis-moi, ton groupe de cette année, j'imagine qu'avec les vacances scolaires, les vacances d'été surtout, parce que c'est vrai qu'on avait reçu ton atelier avant les vacances d'été, ça a dû changer, il n'y a pas forcément les mêmes qui font partie du groupe entre l'an dernier et cette année. Non, c'est sûr que Par rapport à l'année dernière, donc il y a un groupe qui continue de venir. Oui. Et puis il y en a d'autres qui ont arrêté de venir pour différentes raisons. Après, la vie des jeunes est très mouvementée. Hein. Il suffit d'avoir une rencontre au sein du lycée et puis hop, on a beaucoup moins de temps. Ou de très mauvaises notes et il faut travailler plus. Ou différentes raisons qui font qu'on n'a pas forcément le temps de revenir. Mais il y a un petit groupe qui revient l'année dernière et puis il y a des nouveaux cette année. Parce qu'on a, c'est un atelier qui regroupe des secondes, premières et une terminale. Et donc il y a les secondes, c'est des nouveaux. Oui, forcément. Oui, oui, oui. Et au sein de ton club, hein, on va, t'inquiète pas, on veut parler des textes, il nous reste... Ah oui, c'est vrai qu'on a commencé plus tard que prévu, je regarde l'horloge, mais... Non, c'est bon. Pour une fois, non, j'ai commencé un petit peu en décalé, donc on peut terminer en léger décalé. Y a un certain investissement, une dynamique au sein de ton atelier, ou c'est plus comme en classe, ou bon, je dis peut-être des clichés, mais bon, j'étais quand même scolarisée il n'y a encore pas très longtemps, hein, mon bac a bientôt 7 ans, si je ne me trompe pas, oui, mon bac... à 6 ans et demi. Alors oui, les ados qui restent assis sur leur chaise à nous regarder comme deux ronds de flanc, c'est un schéma répandu dans ton atelier ? Non, c'est plutôt la fête, l'atelier d'écriture. Hein. Ouais. Ils sont très très vivants et très très actifs. Et parfois je suis obligé de les calmer un petit peu dans leur enthousiasme. Non, mais de toute façon, on lit et on écrit. Hein. C'est ça le principe. Il faut qu'ils écrivent quelque chose. S'ils écrivent pas, je leur dis ben non, que c'est plus la peine de revenir. Mais bon, cette année ça se passe bien, ils écrivent bien. Je peux peut-être lire quelque chose déjà. Oui, on peut déjà lire quelque chose en effet. Je t'en prie. Donc un texte d'actualité. Les gilets jaunes mangent des macaronis et des spaghettis. Donc c'est un... Ah bah je vais le présenter avant de le lire peut-être. Oui, pourquoi pas. Donc c'est pas. Un poème collectif. C'était il y a 15 jours ou 3 semaines. Oui. Donc les jeunes étaient rassemblés et pour l'atelier de radio, ils avaient déjà travaillé un peu sur ce qu'ils voulaient dire. Donc ils avaient déjà écrit des textes. Et puis ils avaient commencé à écrire des choses qu'ils avaient vécues par rapport à ce mouvement des Gilets jaunes. Et c'est là qu'ils m'ont dit... Donc ils avaient mis gilet jaune et puis le nom d'un président de la France célèbre. J'aurais dit non, on peut pas mettre ça. Ça peut pas aller. Donc on a mis macaroni. Ah oui, j'avais bien senti le petit jeu de mots sous-jacent. Voilà, c'était un petit jeu de mots, effectivement. On adore jouer avec les mots. Et donc on est parti de cette phrase. Les gilets jaunes mangent des macaronis. Mais donc ça a donné différents textes. Et puis... chacun d'entre les élèves a donné une phrase qui a été utilisée pour le poème collectif. Voilà, je vais le lire. Les gilets jaunes mangent des macaronis, des spaghettis. On va se battre même s'il y a des coups de matraque. On va jouer même si on se fait gazer. Ils m'ont fait signer leur pétition dans les bois. J'ai attendu avec le journal dans la bouche. Les gilets jaunes sont jaunes. Le temps est bouleversé, du sang, des larmes. Et retour aux rêves irréalistes. Au départ, ce n'était qu'une graine dans un pot. Mais mal protégée, elle était précoce. L'ivresse meurt dans l'eau de l'œil. Les cris sincères d'une souffrance que seule la France peut entendre. Comme une vidéo marrante sur Internet. La première fois, on regarde et c'est marrant. Les gilets jaunes bloquent les serres dans les bois. Moi, non compréhensif à cette cause, car entre boire ou conduire, vous vous doutez de ce que j'ai choisi. Il est pas mal. D'ailleurs, ça m'a évoqué quelque chose. Ça m'a. Je me demande s'il n'y a pas une réaction. Alors déjà par rapport aux gilets jaunes, ça va sans dire. Mais tu sais aussi, bah tu le sais certainement mieux que moi. Il y a eu aussi des révoltes au sein de lycées. D'ailleurs, je suis en train de chercher dans quel lycée. Je crois que c'est un lycée dans les Yvelines où il y a eu des. Jolie. Amande la Jolie, oui, merci beaucoup. Il y a eu des interpellations quand même assez musclées. On a vu, enfin, du moins, moi, j'ai vu vite fait, j'ai pas regardé la vidéo, mais j'ai vu une photo avec une bonne cinquantaine d'élèves à genoux, les mains derrière la tête. C'est assez impressionnant. Est-ce que c'était aussi une forme de réaction à cet événement-là ? Oui, 6 décembre, c'est assez frais. Oui, bah là, ça s'était pas encore passé, mais. Comment dire les jeunes du lycée agricole, les lycéens du lycée agricole sont parfois un peu loin des autres lycéens et des mouvements lycéens. Oui. Donc là. Mais je veux dire, avec l'arrivée d'Internet, avec Internet, les informations se dissipent comme de la poudre dans le vent. Ça a dû arriver à leurs oreilles. Ils n'en ont pas parlé avec toi aussi de ces interpellations au sein du lycée ? Parce que de jeune à jeune, ils doivent se sentir beaucoup plus concernés. Pas ce jour-là, non. On n'en avait pas parlé, mais on en a parlé avec d'autres après, à d'autres moments. Ah d'accord, mais là, c'est vraiment plus sur réaction sur le mouvement des gilets jaunes. Les gilets jaunes, ils ont bloqué le... Ils ont bloqué, ils ont manifesté, ils manifestent d'ailleurs encore, sur le rond-point à Mirecourt. Et le mercredi après-midi, les jeunes sont allés les voir, oui ? Oui. Non, en fait, ça sonne en bas. Alors, tu sais quoi ? Je vais passer une première pause musicale. Il s'agit de Obsolescence programmée de Duval MC. Il ne me semble pas que tu l'aies écouté de son dernier album. On s'écoute ce morceau et on se retrouve juste après. La pédale de ma poubelle a lâché, on va en racheter une. Ça fait même pas 2 ans qu'on l'a, celle-là. On va la tège comme une pile, usage et comme un reste de petit déj. L'imprimante âgée d'encre est déjà trop âgée, encore qu'elle a tenu presque 3 ans. La décharge va la manger comme un tagine. Nous on repasse à la caisse comme des clients sages. Mon jean c'est encore déchiré au genou. C'est chelou comme y a tout, 4 autour des trous. On dirait c'est fait exprès, je vais péter un câble. On est des agneaux teubés sapés par des loups. Je veux bien que les trucs on use soient pas éternels, mais faut pas pousser mémé dans les tartis. Changer d'ordi, de voiture, d'ampoule, de tel. Ça va 5 minutes, on va pas y passer la vie. Obsolescence programmée. T'as tout qui est pété tôt, t'as tout qui est pété tôt. Obsolescence programmée. Pour la date de Pinocchio, demande à Geppetto. Casque son est pété, je l'ai que depuis 1 an. C'est pile le temps de la garantie, c'est ouf. Le SAV s'en lave les mains, je l'ai dans l'os. Comme quand le dealer t'esbrouffe. Mais le pire du pire de l'obsolescence, c'est tout ce que tu topes au shop de bricolage. Les outils, les matériaux, c'est pas que t'as pas de chance. C'est que tout est fait pour lâcher après 3 usages. C'est cassé, faut racheter, mais quand t'as pas les housses, tu t'habitues au matos et au sable de cassos. C'est cassé, faut racheter, c'est des amas des housses pour que le leurs produits tiennent juste pas plus. Obsolescence programmée. T'as tout qui est pété tôt, t'as tout qui est pété tôt. Obsolescence programmée. Pour la date de Pinocchio, demande à Geppetto. Obsolescence programmée. T'as tout qui est pété tôt, t'as tout qui est pété tôt. Obsolescence programmée. Pour la date de Pinocchio, demande à Geppetto. L'électroménager, les trucs pour la maison ont une durée de vie fixée par les fabricants. C'est ce qu'on appelle pousser à la consommation. Les conséquences, ces types s'en battent les flancs. Rien à foutre de la logique, rien à foutre du climat. Rien à foutre des collines de déchets au Ghana. Rien à foutre de ce qui nous reste à la fin du mois. Si ton truc est ta chaise, eh ben t'en rachètera. Si ton truc est ta chaise, eh ben t'en rachètera. Si ton truc est ta chaise, eh ben t'en rachètera. Si ton truc est ta chaise, eh mais j'espère qu'un jour sera interdite dans tous les pays cette technique de gâchis calculé. Alors on pourra dire que le morceau que t'entends était aussi à obsolescence programmée. Obsolescence programmée. La date de êtes de retour sur Radio Gémozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Et si vous voulez réagir avec nous, n'hésitez pas à nous contacter via la page Facebook Radio Gémozo ou à nous appeler au 03 29 62 40 40. On est toujours avec Pierre-Olivier Poyard pour les ateliers d'écriture de Mirecourt. En effet, les enfants n'ont pas pu venir, mais on pense toujours très fort à eux. Hein. N'hésitez pas, vous aussi, à venir nous contacter. Je me ferai un plaisir de vous laisser la parole, alors que ce soit via Facebook ou via le téléphone, la ligne est ouverte. Alors juste avant la pause musicale, enfin déjà on a fait un bon gros détail sur l'atelier d'écriture, hein, parce que là j'avais vraiment le temps de te laisser la parole. En fait j'aurais une définition de ce qu'on fait en atelier d'écriture. Ah oui, très bien. Qui a été donnée par des élèves. L'atelier d'écriture, c'est l'amour de la créativité. C'est briser les limites d'un stylo. C'est ouvrir son cœur sur une feuille. Et encore... C'est tellement beau. L'atelier d'écriture est comme toucher les sentiments enfouis dans son cœur. Voilà. C'est vraiment très beau. C'est les petites pépites d'écriture que tu as entre tes mains. D'ailleurs, je vois que tu as beaucoup de textes à nous lire, oui, à nous proposer. Est-ce que d'ailleurs, tu sais qui a écrit quel texte et tu peux peut-être dire vite fait. J'ai le nom et le prénom, là. Ouais. Mathéo, c'est Mathéo qui a écrit. Qui a écrit les deux ? Qui a écrit le premier, le deuxième, c'était pas signé. Ah. Il n'a pas signé le deuxième. En tout cas, le premier, ouais. J'en suis littéralement amoureuse. J'aime beaucoup. Ça peut être une jolie phrase qu'on peut se faire tatouer. Enfin, bon, évitez de vous faire tatouer sur un coup de tête quand même. Oui. On ne vous dira jamais assez que c'est à vie. Je suis très bien placée pour en parler. Hein. Mais dans tous les cas, voilà, c'est des choses qui peuvent rester gravées dans les esprits, dans les cœurs. Et c'est ça aussi ce que disait Mathéo, aller au-delà du stylo et coucher son cœur sur du papier. Enfin, je paraphrase, je crois que je vais l'écrire quelque part, j'aime bien. Et tu nous as ramené plein d'autres textes, alors je pense qu'on fera au fur et à mesure de l'émission, mais ça ne traite pas forcément que d'actualité, comme là ça a été le cas pour les Gilets jaunes avant la pause musicale. Ben non, par exemple, c'est celui-là. Le mystère des flammes part en fumée. La passion du soleil attend la poussière. Les fleurs abandonnées chantent nos origines. La poésie des mondes lointains dure une journée. Les racines loufoques froissent l'instant inévitable. Le dogme a l'avantage de faire tâter les crânes. Le chocolat piège les tartines et les galettes. Les tendres coquines déclarent la liberté du pantalon. Le loup et le chat tourbillonnent dans l'enfance. Le voyage de la terre dans l'univers ignore la guerre. Qui a écrit ça ? Différents. En fait, c'est aussi un collage de phrases. Ah oui, c'est tout un. Donc, il y a eu Antonin, Johan, Philippe Vallet, il était là ce jour-là, Vincent, Loïc. Et c'est un poème collectif. Là, c'était aussi un poème collectif, mais il n'y a pas que des poèmes collectifs qu'on peut faire. Alors, d'après ce que j'ai compris aussi, les poèmes collectifs, c'est chacun qui amène son texte, on fait un petit découpage, un petit puzzle, et puis ça donne le texte collectif. Oui. Et ça apporte quelque chose de constructif. Enfin, quel est le but que chacun puisse avoir un morceau de son texte à lui ou, oui, le but final de ces textes collectifs, ou créer une cohésion de groupe ? L'idée c'est les jeunes ils écrivent. Ouais. L'idée c'est qu'ils puissent sélectionner les phrases ou les lignes ou les morceaux qu'ils préfèrent le plus. Dans ce cas-là, on a vraiment le meilleur de ce qu'ils ont écrit parce que ils écrivent des choses, c'est plus ou moins bien et eux-mêmes ils trouvent que c'est plus ou moins bien. Donc là, il y a vraiment la substance, quoi, le meilleur de ce qu'ils ont pu faire. Oui, de ce qu'ils aiment le plus, de ce qui représente plus ce qu'ils voulaient exprimer aussi, parce que c'est peut-être pas forcément un exercice facile que de coucher sur le papier des choses qu'on veut exprimer. C'est un exercice difficile pour tout le monde. Hein. Et après, bon, j'imagine qu'il y a certains élèves qui parfois s'énervent parce qu'ils n'arrivent pas à arriver au résultat qu'ils espèrent avoir. Bon, en général, ils sont plutôt prolixes, hein. Prolixe. Oui. Ah, prolifique ou... Prolifique et prolixe. D'accord. Alors, est-ce que tu en as un nouveau à nous lire ? Oui, tiens, celui-là, je laisse l'interprétation à la sagacité des auditeurs de Radio Guimauzo. Le dragon. Le dragon a une certaine odeur, un certain sentiment de réjouissement quand on le voit, une certaine force, un certain poids. Il navigue souvent à terre, mer, dans les airs. Il n'est pas rare de le rencontrer en soirée, à la sortie d'un bar, dans les lieux de fête. Ses effets sont assez abstraits. Des fois, il réjouit, des fois, il rend triste. Il se charge de nous faire oublier nos problèmes. Avec le dragon, on est bien. Avec le dragon, on tisse des liens. Et je ne sais pas ce que c'est que le dragon. Ah, c'est pour ça que tu disais que l'interprétation est libre pour chacun. Oui. Si un auditeur a une interprétation à nous proposer, appelez-nous au 03 29 62 40 40 ou passez par notre page Facebook Radio Guimauzo. Du moins, ça, c'est le moyen d'être sûr que je puisse réagir en live avec vous ce mardi 18 décembre à 18h28 et 48 secondes, très précisément. Comme ça, vous savez ce qu'il en est. Et il y a des élèves, alors, si j'ai bien compris, qui font des textes plus ou moins opaques, plus ou moins difficiles à comprendre, à interpréter. Ben, souvent, dans les littératures, l'interprétation est du côté du lecteur ou de l'auditeur. Hein. Et je revendique que les élèves en études d'écriture font vraiment de la poésie. Ce n'est pas des choses de bas niveau, ça peut être des choses vraiment de qualité qui, moi, me plaisent beaucoup en tant que lecteur, quoi. Oui, car tu es le collecteur, tu es celui qui rassemble, en fait, tous ces jeunes qui sont partants, qui sont dynamiques pour un petit atelier d'écriture. D'ailleurs, c'est à quelle fréquence ? C'est chaque semaine, chaque mois ? C'est toutes les semaines. Toutes les semaines, les mardis, si je ne me trompe pas. Le jeudi soir. Je me suis trompée de jour, c'est pas grave. Je crois que c'était le mardi l'année dernière. Ah, bon, alors j'ai peut-être pas si mauvaise mémoire que ça. Et oui, comme tu as dit, les élèves sont quand même assez enjoués, assez partants. Il y a des élèves qui vont plus ou moins loin, j'imagine, dans leur délire artistique. Enfin, quand je parle de délire, j'emploie des guillemets, mais c'est pas un mot tout à fait... l'utilisation n'est pas négative, c'est plutôt positif. Hein. Parfois, c'est pas une mauvaise chose de partir en live au niveau artistique. Ça peut donner de très très très belles choses. J'imagine qu'il y a, enfin, parmi les différents textes, il y en a des qui ont dû aussi scotcher toute la classe à certains moments. Ça peut être des choses très personnelles. Hein. Oui. Par exemple, celui-là. Vaincu par le sentiment d'aimer, cette sensation de puissance. Suivi par le désir et la passion. Mais tout peut s'écrouler en une fraction de seconde. L'envie de crier de toutes les larmes de notre corps. L'envie de rejeter chaque particule de sentiment. Notre corps qui parvient à peine à tenir debout, affaibli, étouffé, par la seule personne qui a réussi à pénétrer dans le plus profond de notre âme. La peine envahit notre tête et voir l'horizon des plus possibles. La seule chose est de laisser ce sentiment nous détruire. C'est un texte assez triste. Ouais. sur l'effet dévastateur que peut avoir l'amour. Ouais. Enfin, je pense, hein, c'est ma petite interprétation de Lou. Si vous aussi, vous avez vos propositions d'interprétation, je suis toute oui. On est toute oui. Le soir, ma tête devient un jardin d'écriture, où chaque prononciation m'amène des odeurs douces, où chaque dimanche matin me rappelle l'amour, où chaque jour j'oublie les catastrophes humaines. À chaque respiration, je pense aux anciens horizons. Mais parfois, le temps d'un instant, l'envie de crier me prend, où je vois la couleur du sang, où je crie au secours, où un feu profond m'envahit, où je vois toutes ces rumeurs revenir, et puis le monde des vivants me quitte enfin. Je suis scotchée. Très dubitative aussi. J'essaie de comprendre. Hein. C'est ça aussi, c'est une sale manie que j'ai toujours essayé de vouloir comprendre et analyser, mais dans tous les cas, voilà, il y a des thèmes quand même très divers. Il y a eu de l'actualité, il y a de l'amour, il y a de la mort, il y a des choses très lyriques, très courtes, il y a des choses beaucoup plus longues, beaucoup plus opaques, avec l'histoire du dragon, j'ai pas oublié, comme tu l'as dit, même toi, t'as toujours pas compris qui est le fameux dragon, qu'est-ce qu'il représente, qu'est-ce qu'il incarne. Alors c'est quoi, c'est, je sais pas, un objet? Quelque chose qu'on mange, quelque chose qu'on boit, je sais pas, un sentiment, une personne, je ne sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'un dragon dans la littérature, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. C'est comme les rêves. On pourrait avoir tendance à croire que ça a la même signification pour tout le monde. D'ailleurs, je vois que j'ai le petit toc du ça maintenant. Après le donc, c'est le ça. Comme je le disais, un objet n'a pas la même signification pour tout le monde. Alors encore une fois, le dragon, par ce jeune qui a écrit ce texte, n'a pas la même symbolique qu'un autre jeune qui a écrit un autre texte avec un autre dragon. Enfin voilà, c'est encore tout un chacun, et c'est ça qui fait aussi la richesse de cet atelier d'écriture. Chacun apporte son univers qu'on essaie plus ou moins de comprendre. Oui, bien sûr. Tiens, celui-là qui parle d'amour aussi. Oui. L'amour est comme une grenade, on frémit de tendresse, les flammes dans les yeux, c'est l'amour. Un parfum de douceur vous rend heureux, un cœur jaloux nous rend triste, mais un garçon protecteur est comme le soleil qui brille. Juste une action, une caresse, une émotion, un amour sincère, un cœur qui brûle en le voyant, un amour coloré, une asphyxie d'espoir, une âme vivante, un cœur fragile. C'est tellement beau. Sur l'amour, comme tu le disais, l'amour qui est aussi un petit peu une forme de folie douce. C'est d'ailleurs le titre de la pause musicale suivante d'un chanteur que je pense que tu connais aussi très bien. Il s'agit de Jacques Simard. Non, je découvre. Oh, vu la tête que tu fais, bah dis donc, décidément, c'est dommage, j'avais choisi aussi cette pause pour, bah, pour les enfants. Enfin, les enfants, ils sont quand même grands, les enfants. Jeunes, ouais. Mais j'avais décidé aussi de leur proposer ça, vu l'importance de l'écriture aussi même au sein de la chanson. Alors, on s'écoute Folie douce de Jacques Simard et on se retrouve juste après. On dit que je suis fou, malade et ma poule, siphonné de la ciboule, bête comme un sac de clous. On dit que je suis pas tout seul, que mes fils se croissent, qu'il me manque une case, une pièce au puzzle. On dit que je suis frappé de la couge et que dans mon carafon, ah, plus rien ne tourneront, que tous mes voyants sont au rouge. J'ai comme on dit un grand petit pet au casque, jure que sous mon masque, ça va très bien, ça va très bien. Je joue les hommes si heureux, rescapé des malheureux, je me soigne à la folie douce et j'attends que ça pousse. J'ai tellement côtoyé le pire que je me permets seulement de danser et de rire, de battre dans le vent. Mais t'es complètement fou, ouais. Je n'ai pas, paraît-il, inventé la poudre et devrais me résoudre à filer à l'asile. On veut me coller au CERN des étiquettes en 10, conclusions réductrices, pathologie moderne. En ce qui me concerne, je connais mes arrières, si bien que je les enterre, de peur qu'ils ne m'internent. Je joue les imbéciles heureux, rescapés des malheureux, je me soigne à la folie douce et j'attends que ça pousse. J'ai tellement côtoyé le pire que je me permets seulement de danser et de rire et de battre dans le vent. Mais je suis l'idiot du village, le plus heureux de la terre. Et j'y vois tellement clair qu'il m'arrive souvent d'abandonner sciemment mes neurones au vestiaire pour jouer les stupides et crier mes névroses. pour me confier aux choses et danser dans le vide. Alors puisqu'on ne me l'a pas donné, je veux saisir ma chance, m'offrir la décadence d'être fou, allié, jouer les imbéciles heureux, rescaper les malheureux. Je me soigne à la folie douce et j'attends que ça pousse. J'ai tellement côtoyé le pire que je me permets seulement de danser et de rire. J'ai tellement côtoyé le pire que je me permets seulement de danser et de rire, de battre dans le vent. Je joue les imbéciles heureux, rescapés des malheureux. Je me soigne à la folie douce et j'attends que ça pousse. J'ai tellement côtoyé le pire que je me permets seulement de danser et de rire, de battre dans le vent. Et vous êtes de retour sur Radio Guémozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Si vous voulez papoter avec nous, n'hésitez pas à nous contacter alors par la page Facebook Radio Guémozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. Si toutefois on est en direct, hein, pas la peine de nous rappeler le mercredi matin, on sera pas là. Mais mardi soir, 18 décembre à 18h39 et 7 secondes précisément, comme ça vous savez qu'on est vraiment à l'antenne. On est toujours avec Pierre-Olivier Poyard pour l'atelier des écriture que tu... Oui, que tu... J'ai pas envie de dire que tu diriges, parce que je pense pas que tu diriges d'une certaine manière, mais peut-être que tu orientes, que tu cadres. Et voilà. C'est ce qu'on appelle les pédagogies actives. Donc, dans les pédagogies actives, on dirige pas, on crée les conditions. Donc, je fais se rencontrer des jeunes, des livres et des mots. Et ce genre de pédagogie est, d'après ce que je vois, plutôt efficace. Par exemple, avec les quatrièmes, on a écrit en classe sur le thème de la paix aussi. Et donc, c'était tout un projet pédagogique autour de ce thème qui me tient à cœur, comme tu le sais. Mais justement, je me demande, est-ce qu'ils connaissent aussi ton implication pour le mouvement de la paix ? Avec les quatrièmes, on a fait un thème de travail. Le thème de travail, c'était dessiner, voir, écouter, écrire la paix. Et qu'est-ce qu'ils ont produit ? Plein de choses. Ils ont fait des dessins, mais ils ont aussi écrit des textes. Je peux en lire un. Avec plaisir. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. La nuit tombe sur les brebis, les vaches et le village. Demain, lundi à minuit, la trêve hivernale sonnera. Dans les villes, les villages et sur les champs de bataille. La souffrance des sacrifiés, des condamnés, des militaires, des frères et des pauvres, tous ressentent la souffrance. Le téléphone sans cesse sonne, sous l'oreiller d'un soldat inconnu, mort pour la France. Pleure une jeune femme, le cœur fendu, rempli de tristesse par la mauvaise nouvelle qu'elle a pris. La femme est en détresse, car son mari partit, avec toutes les affaires dont il avait besoin. Tout a éclaté à la guerre. Tout, cette femme en pleurs, doit le racheter. C'est assez triste, non ? Sur l'impact qu'a la guerre, surtout les familles qui finissent par éclater, avec les gens qui ne reviennent plus. Oui. Je peux en lire un autre ? Avec plaisir. Au jour de la guerre, il y avait des combats. Mais un jour, la paix est venue. La paix, c'est s'entraider les uns les autres. Ceux qui ont du mal, il faut les aider. Il faut travailler, il faut bricoler. La guerre était dure. Un sacré thème, hein, la paix, la guerre. J'imagine que c'est un thème qui remue les enfants, pour lesquels ils ressentent le besoin de s'impliquer. Oui, ça les touche, hein. Par exemple, faites la guerre. Oh, le lapsus. Ah oui, gros lapsus. Ouais. Faites la paix, pas la guerre. La génisse broute l'herbe de paix. Fini la guerre, mieux vaut la paix. Fini la moutarde pour la guerre, mangeons-la. Fini la boue de la guerre, préférons l'herbe de paix. Fini les prisonniers, mieux vaut la liberté. Fini les morts, mieux vaut les vivants. Fini la souffrance, mieux vaut le bien. Quel beau texte. Et encore une fois, comme tu le dis bien, c'est un thème qui leur tient à cœur. Hein. Oui. Ils y vont quand il s'agit de paix. Mis à part ça, est-ce qu'il y a d'autres thèmes qui les remuent autant que la paix? D'ailleurs, bon, on le voit, en tout cas, généralement, dans la jeunesse, les jeunes sont généralement tous pacifistes, même si je pense qu'on est quasiment tous pacifistes. Si je ne m'abuse. Pas forcément. Non, c'est un fait, mais du moins dans nos jeunes générations, on est plutôt à tendance pacifiste, si je ne me trompe pas. À moins que j'ai des amis comme moi, Baba Cool, Peace and Love dans le monde des bisounours, ce qui n'est pas tout à fait impossible. Non, mais c'est sûr que c'est, dès qu'on leur demande d'écrire sur ce sujet, ça marche tout de suite, c'est vrai. Mais sur tous les sujets en général. Hein. Oui. Disons. Les jeunes n'ont pas forcément la possibilité de pouvoir écrire des choses de manière libre comme ça. Ils écrivent surtout à l'école, oui. Surtout les jeunes du lycée agricole. Ils écrivent pas forcément pour le plaisir comme ça. Et donc en fait, c'est un espace de liberté qu'on leur ouvre avec les ateliers d'écriture. Et c'est un espace de liberté dont ils saisissent tout de suite. Hein, la liberté est tout de suite. Saisi, quoi. C'est quelque chose d'assez unique. On travaille sur d'autres thèmes aussi. Mathieu, qu'est-ce qu'il a écrit, Mathieu ? Soupir cessant, crépuscule soufflant, Dieu est le patron, la mort, la nuit, caillou enflammé, joli fruit, le noir évoque ton visage, souffle précieux, enflamme ta joie. Encore une fois, un texte qu'on n'arrivera peut-être pas forcément à comprendre d'un coup. Tu as un deuxième texte à nous lire ? Oui, Félicia, elle écrit ça. Le feu rouge, plein de courage, comme une porte, s'ouvre et se referme dans l'ombre fermée, d'un printemps raisonnable. Réveil coloré, mort pleine de noir, rivière perdue, dans la nuit longue et noire, temps énorme et inédit. Encore un autre texte qui traite de plein de thèmes. Et d'ailleurs, j'y pense, t'as jamais proposé un thème qui a fini par leur poser une vraie colle ? Non. Non, non. Bah, de toute façon, comme c'est une écriture en liberté, donc j'ai dit tout à l'heure, le thème c'est plutôt agri-écriture. Oui. Mais on leur donne un thème, ils écrivent bien ce qu'ils veulent. Donc là, c'est des choses qui parlent de leurs sentiments, de leurs sensations, peut-être... De questionnement le plus existentiel sur la vie, la mort. Oui. Et voilà, c'est des choses qu'ils trouvent eux-mêmes. Hein, je veux dire, voilà, c'est eux qui décident de toute façon, même s'il y a un thème. Bon, là, par exemple, j'ai un texte sur l'agriculture. Oui. La plante est comme un enfant. Elle grandit un petit peu chaque jour, avec de l'engrais et de l'amour. Protéger la faune, voir naître les renards aux poils d'or. La couleur des morts. Quand le blé pousse, les agriculteurs sortent, préparent leurs champs avec amour. Donc voilà, même quand on leur parle d'agriculture, ils nous parlent d'amour. Oui, décidément, comme quoi l'amour, c'est un thème très important, c'est quelque chose de très important. Bah oui, c'est essentiel. Oui, pour tout le monde. D'ailleurs, j'y pense, tiens, tu m'as amené aussi un texte que tu ne vas pas lire à l'antenne directement, que tu as déjà enregistré. De quoi parle-t-il ? Ah oui, en fait, jeudi, comme les élèves ne pouvaient pas venir, ils étaient assez déçus quand même. Et pour un peu combler cette déception, je leur ai dit, on va enregistrer les textes que vous aviez écrits. Donc c'était sur cette fameuse histoire de gilet jaune. Donc là, ce n'est pas le poème collectif, c'est chaque texte qu'ils ont écrit les uns les autres. Donc on va retrouver des phrases que j'ai ou des morceaux que j'ai lus tout à l'heure. Oui. Et donc là, chaque élève lit son texte. Alors, plein de voix qu'on va écouter tout de suite. Et on se retrouve juste après, vu que c'est pas une pause musicale, mais voilà, les différents textes des élèves lus par eux. Extrait de l'atelier d'écriture du lycée agricole de Mirecourt. Santé, et vous observez rouge sang, sans foi ni Dieu, déjà parti, mort, terrible et âpre acte. Cris, yeux clairs, sans vie, violente chose, plus jamais confiance. Poumons torturés, sang recraché, car feu incessant. Tête apathie, en morceaux creuse, ses ombres noires, mains ensanglantées, aucune valeur. Dos inconnu, mangé par la panique, mouvement incessant. Merci Louane. Les gilets jaunes sont jaunes, ils m'ont fait signer leur pétition dans les bois. J'ai attendu avec le journal dans la bouche, ils faisaient des arbres dans la paille. Les macaronis ont été explosés dans les feuilles. Merci Priscilla. Le feu incendie les mémoires de la nuit, l'ivresse meurt dans l'eau de l'œil. Les plumes des clés rend les armes des cris, les yeux et les savoirs des morts. Merci Sarah. Au départ, ce n'était qu'une graine dans un pot, mais mal protégée, elle était précoce. Merci Lucas. Au début, les poulets timides se font manipuler les premiers jours par l'éleveur malade, des parasites malsains qui paniquent pour un rien, en permanence, avec leurs problèmes digestifs. Merci Mathéo. Les gilets jaunes bloquent les cerfs dans les bois. Merci Cyprien. Les spaghettis sont jaunes, comme les gilets jaunes, qui se battent pour l'essence qui est au prix de l'or, pour pouvoir le diminuer, mais l'autre surpayé peut aller se faire... Mais la France va se battre, même s'il y a des coups de matraque. On va jouer, même si on se fait gazer. Et moi, je te le dis, ta mère aurait me fait le... Merci Adrien. Les gilets jaunes mangent des macaronis. C'est en effet ce que j'ai vu. Un gilet jaune bloquant la rue. Le type venait de finir un fût. Moi, non compréhensible à cette cause, car entre boire ou conduire, vous vous doutez de ce que j'ai choisi. C'est au moment où, devant mon vélo, il s'arrêta et régurgita ses macaronis. Merci Maxime. Une pluie timide s'abat sur ma peau et mon visage comme une étoile filante. Le premier et le dernier mot de ma vie a un sens au chemin de mon existence. Une guirlande de pensées vient me perturber lorsque j'ai lancé les dés du destin. Merci Zora. Les vies s'insèrent d'une souffrance que seul l'on peut entendre, qui vit de l'âme qui vient au plus profond du cœur, de l'honneur que seule une femme peut guérir comme un remède. C'était le texte de Luc, lu par Lucie. Merci Lucie. Le suceur de pouce apprécie sa nouvelle vie. L'amour divorce 10 mois plus tard. Merci Mathéo. Et voilà, c'était les enfants qui lisaient leur texte pour le premier texte que tu as lu. D'ailleurs, dis-moi, on a entendu des drôles de bip, mais tu as une explication, Pierre-Olivier ? Oui, j'ai une explication. Donc, avec l'accord du jeune en question, j'ai censuré certains termes qui étaient très très grossiers. Mais il était totalement d'accord et était très très content de les dire, mais je lui ai dit, mais on ne peut pas les diffuser comme ça quand même à la radio. Bon, dans tous les cas, ça a donné une dimension un petit peu plus loufoque, un petit peu plus marrante à ces textes. Et l'écriture aussi, ça peut servir à dire des choses d'une manière détournée. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, les auditeurs le savent, je pense. Il s'agit de Leïla Huissou, qui est aussi une plume plutôt acérée. Et elle a écrit une chanson. Un enfant communiste, si tu veux je te dis après la légende de l'histoire ce que ça voulait réellement dire, mais si tu veux bien on s'écoute ce morceau, Un enfant communiste de Leïla Huissou, et on se retrouve juste après. Parce qu'on se fout des règles, parce qu'on s'aime au-delà, il fera de sa naissance une grève, et du rouge son combat, conscient en pleine révolution. Et même s'il est pas beau, il pourra pas non plus être con. Pour un chef aussi et marteau, si nos drapeaux sans éclat n'ont plus grand chose à faire rêver, fera comme à chaque coup d'état un tout nouveau calendrier. Notre démocratie populaire fêtera d'un accouplement chaque début du mois lunaire. De quoi venir gonfler les rangs. On fera un enfant communiste sur la plus petite des montagnes. Le plus grand des alpinistes se fout que Lénine soit en campagne. On en sort moins élégant, mais s'il en faut pour les perdants, l'impossible mérite l'espoir. Faisons un enfant ce soir. Science peut donné tort. Nous on aura nos lois martiales. On ordonné au coup du sort de bénir le lit marital. Tant que la chair de notre sang sous les toiles rouges conçues ne ressemble pas pour autant au Karl Marx des statues. On fera pas de chasse aux sorcières, même si on tâche tout l'état. Y'a pas d'égalité sans guerre, y'a pas d'amour sans dommage. Et quand tout aura brûlé, le parti de la fronde verra son étendard germer au creux de l'origine du monde. Communiste sur la plus petite des montagnes, le plus gland des alpinistes se fout que Lénine soit en campagne. On en sort moins élégant, mais il en faut pour les perdants. On fera un enfant communiste sur la plus petite des montagnes, le plus gland des alpinistes se fout que Lénine soit en campagne. On en sort moins élégant, mais il en faut pour les perdants. L'impossible mérite l'espoir. Faisons un enfant ce soir. C'est la note finale. Et c'était Un enfant communiste avec Leïla Huissou, chanté aussi par Mathias Malzieu. Pour ceux qui ont reconnu, le chanteur du groupe Dionysos est aussi bien connu pour ses romans tels Jack et la mécanique du cœur ou maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi. Vous êtes toujours avec Pierre-Olivier Poyard pour l'atelier d'écriture de Mirecourt. Et oui, on parlait de l'importance aussi, la plume avec laquelle on peut exprimer certaines choses. Alors, les auditeurs, je pense, qui ont écouté l'émission avec Leïla Huissou s'en souviennent peut-être. Est-ce que toi, tu as peut-être saisi le thème de cette chanson? Alors j'ai absolument besoin de ton concours et de ton renfort. Alors c'est un thème qui peut sembler encore tabou aujourd'hui parce que bon, on est une société qui n'a pas fini d'abolir tous ces tabous, mais c'est un texte, une chanson qui parle de faire l'amour quand on a ses règles, quand on est en couple. Voilà. Mais tu vois, tu l'avais pas vu venir, pas trop. Enfin, maintenant que je connais l'explication, je comprends les mots-clés. Mais toi, tu l'as peut-être pas vu de cette façon. Non, mais c'est très bien écrit. Bah, tu vois, comme quoi, avec l'écriture, on peut faire passer toutes sortes de messages de différentes manières, bien entendu. On est toujours avec toi pour les quelques minutes qui nous restent. Je pense que tu peux encore nous lire quelques textes. Puis voilà, tu connais la suite de l'émission, comme d'habitude. Je m'imagine des boules humides, biologiques, mises à l'épreuve, avec du charme. Pourquoi cette bande, cette végétation élevée? C'est un drôle de texte, surtout en plus comme on venait de parler du texte de Leïla Huissou, les boules humides, ça peut porter à confusion. Je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que tu as d'autre? Nous suivons le rythme de la société pour ne pas être différents. Par habitude, nous sommes habitués par les odieux. C'est lorsque l'on a l'occasion que c'est trop tard. C'est lorsque l'on croit que l'on est supérieur, que l'on est con. Comment peut-on continuer à avancer dans la vie lorsqu'on n'a plus de repères? La chute n'en finit pas, jamais je ne touche terre. Très beau texte. Qui m'a l'air un petit peu de parler de vanité. Enfin, encore une fois, si vous voulez réagir, si vous voulez décortiquer les textes avec nous pour les quelques minutes qui nous restent, pour les 10 minutes maximum qui nous restent, appelez-nous au 03 29 62 40 40 ou passez par notre page Facebook Radio Gemozo. Oui, comme je le disais, les élèves, alors, tu leur donnes un thème par atelier, ils écrivent. Est-ce qu'après, ils lisent leur texte devant tout le monde et après, ils échangent un petit peu sur leurs impressions? Ils peuvent lire leur texte devant les autres ou pas, ceux qui choisissent. Oui. Et en général, on ne commande pas. D'accord. Mais c'est parce que c'est pas spécialement dans le programme de l'atelier de commenter ou c'est que finalement les élèves ne se sentent pas de commenter les textes des uns des autres pour les comprendre? Non, déjà, je ne sais pas si je les laisserais se commenter les textes des uns des autres parce que c'est pas forcément évident pour eux d'écrire, donc c'est un acte difficile. Donc on évite le jugement en général. Ah Ah oui, toi, tu es plutôt dans une optique de bienveillance. Ouais, on évite le jugement. Et donc, je leur demande jamais pourquoi ils écrivent ce qu'ils écrivent. Je leur demande jamais de justifier. Voilà, on écoute. Et puis, on se laisse attraper par les mots plutôt que chercher absolument pourquoi, comment, qu'est-ce que ça signifie. Non, on le fait maintenant parce que bon, là, on a plein de textes, on peut se poser des questions, mais... quand on est dans l'atelier, non, il n'y a pas de place pour le commentaire, parce que le commentaire dérive forcément vers le jugement, et je sais que le jugement pourrait ne pas être positif, donc c'est pour ça que j'évite de les mettre dans cette situation. Oui, alors encore une fois, c'est vraiment pour éviter aux élèves d'être blessés, après tout, un adolescent. C'est sensible, ça je pense que tout le monde le sait, tout le monde est passé par là. Et parfois oui, quand on réussit à coucher ses sentiments sur le papier et qu'on se sent jugé, quand la remarque en face n'est pas constructive, enfin après on peut aimer ou ne pas aimer, c'est tout un chacun, mais oui je peux comprendre le fait que ça risque de finir en pugilat si un élève se sent critiqué dans sa personne, dans sa personnalité, dans sa sensibilité. Alors... voilà, c'est de quoi éviter les conflits aussi. Ouais, éviter les conflits et puis surtout ne pas les bloquer dans leur besoin d'écrire. Donc je vais finir par un texte sous forme interrogative. T'as un élève qui n'écrivait que des questions. Oh, c'est intéressant ça. L'asile fou est-il ? On dirait Yoda qui parle, tiens. Y a-t-il des copules blanches ? Les médecins sont-ils de beaux assassins ? Boivent-ils des chansons ? Ont-ils l'air de voyous ? Ont-ils un collier de perles ? Les vieux persans voient-ils le deuxième fils de chat dehors ? Texte très opaque, très surprenant. Mais le titre, c'est vrai que je t'ai coupé dans ta lecture, excuse-moi, mais on aurait dit Yoda qui parle. Oui, oui. Enfin, pour ceux qui connaissent, mais je pense que oui, tout le monde connaît un petit peu Star Wars et Maître Yoda, forcément. Et puis oui, après tout, c'est un pilier du genre. Oui, non, mais je pense que c'est des choses qu'il connaissait, effectivement, le jeune, quand il écrit ça. Et voilà, donc il écrivait toujours des questions, et c'est des questions qu'il laisse en suspens. Mais c'est dans ce texte-là, ou c'est son style à lui de passer par les interrogations ? Non, il n'a jamais écrit que des questions à l'atelier. Ah, c'est surprenant ça. C'est un, forcément, c'est un style à part entière aussi. Bien sûr. C'est sa manière à lui d'aborder l'écriture. Et qui nous a pondu ce texte ? C'était l'année dernière. Il s'appelait Emmerich. Emmerich, désormais l'homme mystère par ses. mystère. Il est du coin. Il est du secteur de Remiremont, je crois. Ah d'accord, non je dis l'homme mystère pour ceux qui connaissent aussi Batman, désolé, oui. je squatte vraiment trop les bandes dessinées et la culture geek, je pense que ça se ressent à travers mes émissions, je pense oui tu as lu un petit peu tout ce que tu avais amené de la part des élèves. Oh, un petit dernier ? Allez, avec plaisir. À la main, un héros observateur, à la main, creusant l'horizon, à la main. Son domaine topographique, à la main. Le sol arable, à la main. La fourche en main, à la main. Le cœur sans rancœur, à la main. La pioche en terre, à la main. Au volant du tracteur. Pas d'à la main ? Non. La main sur le volant du tracteur. Ah bah oui, forcément. Forcément. Bah, parfois, quand même, je leur donne des petites idées. Là, c'est moi qui lui avais dit de répéter à la main plusieurs fois. Oui, ça donne une certaine... Ouais, parfois je les aide aussi à construire les textes. Sans, oui. Je ne leur donne pas des idées, mais je les pousse à développer certaines idées qu'ils ont pu écrire ou trouver. Oui. Oui, parce que tu es aussi tu es le cadre, mais tu es aussi un petit peu le guide. Je ne sais pas trop comment. Bon, forcément, toi, tu me vois à travers la vitre, tu vois les gestes que je fais, mais un petit peu, oui. Bah, je les pousse, quoi, oui, c'est ça. Oui, les pousser dans... J'essaie de les pousser à donner le meilleur d'eux-mêmes. Oui. Ça donne de très belles choses. Oui. Voilà, encore un, mais c'est vraiment le dernier, celui-là. Oui, oui, vu qu'on voit le temps qui défile. Une agriculture dominante, un horizon absurde, un sol humide, une charrue retournante, un agriculteur héros pris pour un assassin. Très surprenant. Et celui-là, je pense qu'il avait beaucoup, beaucoup à dire. Si les auditeurs ont envie de le décortiquer, n'hésitez pas à passer par notre page Facebook. Mais il va malheureusement déjà être le moment de se dire au revoir. Et oui, on est bientôt à une heure d'émission. J'ai failli dire deux heures, oula, sacré lapsus. L'heure des loups ne dure qu'une heure. Mais avant de se dire au revoir, c'est déjà le moment de faire la programmation de la soirée. Et comme on est mardi, on retrouvera dès 20h Michel pour son émission La parole est à vous, suivi à 22h Dominique pour J'ai aimé, je vous le lis. Et une émission à 23h de Rockabilly 20 Flight Rock. Sinon, musique jusqu'à demain matin, 7h, 8h. Enfin, jusqu'à demain matin, 7h. Puis de 7h à 8h, rediffusion de l'émission que vous avez écoutée à l'instant. Et ensuite, la matinale de Marion qui vous racontera le programme de la journée de demain. On se retrouvera demain soir, 18h, 19h, de bonne humeur avec les Gilets jaunes qui viennent nous donner quelques nouvelles. En effet, ça a un petit peu bougé de leur côté. Alors on verra un petit peu plus ce qu'il en est, si vous voulez encore une fois papoter avec nous en direct, donc mercredi 19 décembre de 18h à 19h, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir qu'on vous laissera à vous aussi la parole, bien que j'imagine que mon studio sera plein à craquer comme la semaine dernière. Bon bah écoute Pierre-Olivier, merci beaucoup, merci aux enfants aussi, hein, si vous nous écoutez, merci à vous pour vos textes, c'est très précieux et continuez à écrire, c'est important. Il y a vraiment des choses très diverses, très belles aussi, c'est important de le préciser. Et voilà, c'est une pépite qu'il faut garder précieusement et qu'il faut entretenir. Enfin, voilà. Alors Pierre-Olivier, merci beaucoup d'avoir partagé ces belles pépites, ces beaux moments avec nous, c'était très précieux pour moi. Oui, ben de rien, et puis à bientôt sur Radio Gémozo. Oui. Alors dans ce cas, pour les auditeurs, déjà merci pour votre attention et on se retrouve demain, même heure, sur le 107. Bonne soirée à tous !